dans les rues de la ville. Cours et cours comme un débile. Cache, cache ton monde invisible. Cache, cache ta conscience tranquille. Parle, parle aux étoiles qui brillent. Frappe, frappe sur ton cœur d'invincible. Dans ton petit monde, rien ne peut changer. Plonge et plonge un peu plus loin. Frappe, frappe sur ton cœur d'invincible. Dans ton petit monde, rien ne peut changer. Plonge et plonge un peu plus loin. Frappe, frappe sur ton cœur d'invincible. Laisse aller ton élan de désir. Ose, ose à grands coups de délire. Marche, marche dans les rues de la ville. Frappe, frappe sur ton cœur d'invincible. Dans ton petit monde, rien ne peut changer. Plonge et plonge un peu plus loin. Frappe, frappe sur ton cœur d'invincible. Dans ton petit monde, rien ne peut changer. Plonge et plonge un peu plus loin.